Chapitre 9e, le père et la fille. Il était pâle et défait. Ses cheveux blanchissaient à vue d'œil. Et quiconque l'eût vu la veille aurait eu peine à le reconnaître. Sa taille s'était subitement courbée. Cet homme qui, le matin encore, était dans toute la force de l'âge, à cette heure, paraissait un vieillard. Le chagrin est prompt dans son œuvre de démolition. Il avait sur la figure du boulanger une expression de douleur si vraie, qu'à son aspect, le rire disparut de toutes les figures. Ceux qui naguère encore étaient le plus disposés à le railler se sentaient, malgré eux, retenus par la pitié. Caffarelli, dans l'atelier, ne vit que Raphaël, dont le pâle et mélancolique visage empruntait à la lueur des lampes une pâleur plus mate encore. Le fornaro s'approcha de lui en chancelant et tombant à ses genoux les mains jointes. « Ma fille !» lui dit-il. « Maître, rendez-moi ma fille !» Raphaël, ému, releva le malheureux père, et le faisant asseoir sur ce même siège élevé où Stella s'était assise en entrant dans l'atelier du peintre, il lui prit les mains avec une délicatesse touchante et lui dit « Mon ami, bannissez toute crainte. Vous m'avez refusé celle-là que le Saint-Père m'a donnée. Je ne puis vous la rendre, mais jamais je ne vous empêcherai de la voir. » Jules Romain, craignant d'être indiscret, fit signe à ses compagnons. Et bientôt, il n'y eut plus dans l'atelier qu'un vieillard en pleurs et un jeune homme qui le consolait. Les larmes coulaient lentes et silencieuses sur les joues brunes du fornaro, et il n'écoutait pas les consolations de l'artiste. Rien n'est triste comme un homme qui pleure. Raphaël faisait connaissance avec une émotion nouvelle. Étonné lui-même de ce qui se passait en lui, et ne sachant comment adoucir ses douleurs muettes, poignantes, qu'il reconnaissait légitimes, il prit la toile humide sur son chevalet, et la plaçant devant les yeux du père affligé, avec une voix douce comme s'il lui parlait à une femme, et lui dit « Voyez, Gaffarelli, voilà ce que j'ai fait de Stella. » Le père, au nom de sa fille chérie, releva la tête et voyant le portrait. « Oh, Seigneur Raphaël, vous êtes bon, merci. Mais ce n'est pas son portrait que je veux voir, c'est elle. Je ne viens pas vous l'enlever. Si elle veut rester avec vous, qu'elle reste, mais laissez-moi la voir. » Et les pleurs cessèrent un instant de couler. Raphaël monta aux appartements supérieurs. Son cœur battait avec violence quand il ouvrit la porte de la chambre retirée où il avait conduit Stella à l'arrivée de ses élèves. C'était une grande et belle pièce carrée, aux voûtes hautes et arrondies avec élégance, meublée avec ce luxe et cette recherche qui signale l'existence artistique de cette époque. Les fenêtres cintrées s'ouvraient sur des jardins ombreux, au-delà desquels on apercevait quelques-uns des points lumineux des horizons romains. Fatiguée des émotions de la journée, la fille du fornaro Gaffarelli s'était jetée tout habillée sur un lit de repos. Une lampe brûlait près d'elle et éclairait son visage de ses lueurs tremblantes. Jamais plus charmant tableau ne s'offrit au regard d'un homme. La tenture écarlate qui couvrait le lit de repos donnait un relief éclatant à cette puissante et vigoureuse carnation de jeune fille, dont les couleurs blanches et roses empruntaient encore un autre éclat à leur cadre de cheveux d'or. Les membres et le corps, dont on devinait sous le vêtement les formes adorables, était posé avec légèreté sur les coussins, et dans le lointain, sur une glace de Venise, se répétait tout cet ensemble auquel le jeu incertain des lumières ajoutait des grâces nouvelles, en multipliant les aspects et agrandissant l'horizon. À toute autre heure, l'artiste se serait réveillé dans Raphaël, mais en voyant sa maîtresse ainsi mollement couchée et endormie, le cœur encore tout plein des tristes émotions qu'il avait assaillies dans son atelier, l'amour seul fit invasion dans son âme. Il ne vit dans Stella, sur son lit de repos, qu'une jeune fille belle, plus charmante encore qu'il ne l'avait rêvé. Pénétrant dans l'appartement avec des précautions infinies pour ne pas troubler ce sommeil, il vint s'asseoir aux genoux de sa maîtresse, et les yeux sur ce visage adoré, il se plongea avec délice dans une ineffable contemplation. Raphaël et Stella restèrent longtemps ainsi. Cependant, la nuit avançait. Les heures s'écoulaient rapides. Le silence régnait dans la maison et dans la rue. Et dans les grands arbres du jardin, on entendait une brise légère qui jouait dans les feuilles et les agitait avec une douce harmonie. Quand Stella rouvrit les yeux, son premier regard rencontra celui de Raphaël qui la couvrait de rayonnements amoureux. Entraînée par une force invincible, la jeune fille jeta ses bras autour du cou de l'artiste. Sa bouche rencontra sa bouche et leurs voix murmurèrent ses premières paroles de l'amour, les plus douces qu'il se donnait à l'oreille de l'homme d'entendre, paroles qu'on dit tout bas, comme si elle s'échappait du cœur, semblable à un écho involontaire de la plus intérieure pensée. « Stella, je t'aime !» disait l'artiste avec passion. « Je t'aime, mon Raphaël, » répondait la Fornarina, « et je suis à toi. » Et l'artiste et la jeune fille oubliaient dans de douces étreintes et leur avancée et le monde et le Fornaro Gaffarelli qui était resté à l'étage inférieur. Le malheureux père lui aussi oubliait tout devant le portrait de sa fille bien-aimée. Pour lui, le temps n'avait plus d'heure désormais. Tout à sa douleur, il ne détachait pas ses yeux du divin portrait ébauché par le maître. Que lui importait, et le jour avec ses occupations mercantiles, et la nuit avec ses harmonies. Sa fille était l'unique passion qui eût jamais animé son cœur, et maintenant qu'il ne l'avait plus, il repaissait sa souffrance de la contemplation de ses traits adorés. Cependant, le bruit de la chute d'un immeuble dans les appartements supérieurs le rappela brusquement au sentiment de la vie réelle. Il se souvint de l'artiste qui, quelques instants auparavant, était là devant lui. De l'artiste qui lui avait ravi Stella et venait néanmoins de lui promettre qu'il la verrait bientôt. Promesse qui n'avait pas été tenue, oubliée comme tant d'autres. À ce souvenir, une douleur plus poignante encore que toutes celles qu'il avait déjà souffertes s'empara du pauvre homme. Une grande défaillance le saisit au cœur. Il poussa un cri de douleur et tomba sur le parquet de l'atelier. Ce cri rappela Raphaël et le malheureux qu'il avait laissé seul et la promesse qu'il lui avait faite de lui amener Stella. La jeune fille, effrayée, s'était échappée des bras du peintre et se réfugiant dans un coin isolé où des paires rideaux dissimulaient une alcôve, elle attendit le retour de son amant qui était descendu avec précipitation à l'étage inférieur. Le calme et le silence régnaient de nouveau dans la maison. Raphaël, à l'aspect de cet homme évanoui, appela ses serviteurs et, aidé par eux, le conduisit dans une chambre de lit où lui prodigua les soins les plus touchants. Le Fornaro Gaffarelli revenait lentement à lui, mais ne reconnaissant aucun des objets, aucune des personnes qui l'entouraient, il se laissait machinalement soigner, comme un homme qui n'a pas la force de résister, et quand ses lèvres s'ouvraient avec effort, ce n'était que pour faire entendre ses paroles dites à voix basse. « Ma fille, Seigneur Raphaël, rendez-moi ma fille !» Le peintre n'était plus auprès de lui. Jugeant sa présence inutile, il avait laissé le Fornaro aux mains de ses serviteurs et était revenu rassurer Stella. En apprenant que son père était dans l'atelier et l'accident qui venait de lui arriver, la jeune fille fut d'abord saisie d'une grande tristesse. Un nuage voila ses beaux yeux et son front si pur. Elle revit, comme dans un tableau fantastique, toute sa jeunesse écoulée dans la boutique de la rue des Marchands de Chapelet. Elle se rappela les soins tendres et délicats de ses parents, le respect et l'adoration que lui prodiguaient les nombreuses pratiques du Fornaro Gaffarelli, ses triomphes de coquette enfant dans le cadre grossier de la porte, ses promenades, ses visites aux églises. Elle vit tout cela et, se penchant à l'oreille de Raphaël ravi, « Je suis à toi », lui dit-elle de sa voix mélodieuse. « Je suis à toi et rien ne pourra plus me détacher de mon Raphaël chéri. » L'enfant, la jeune fille, avait disparu. La femme venait de naître au souffle de la passion, et son cœur maintenant allait diriger sa vie.